Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 73e émission, je me trouve à Perpignan pour le tour anniversaire ER qui va se dérouler dans plusieurs villes de France pour fêter les 10 ans de l'association Égalité et Réconciliation. L'occasion pour les sympathisants et les militants de rencontrer Alain Soral, les équipes de RTVE-RFM, les auteurs Contre-Culture ainsi que les artistes ayant signé chez Contre-Culture Musique. Tout cela dans une ambiance très conviviale. La section Perpignan a mis le paquet pour cette première date. Intervention de Damien Viguier, Eric Sanceri, Youssef Indy, Alain Soral ainsi que moi-même. Concert de Philippe Guep, dégustation en soirée d'une bonne paille à la maison, tombola, jeu de fléchettes, de massacres. On va voir tout ça, chers auditeurs. Ce que je vous propose, c'est que j'aille dans la foule poser quelques questions pour savoir de quoi il en retourne. C'est parti. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? D'accord, bah, très bien, je vois que vous avez un café à la main. Exactement. Comment vous voyez cet événement? Est-ce qu'il est... Eh ben, je trouve ça formidable, oui. Ça me fait vraiment plaisir. J'étais là à votre venue à Montpellier pour la projection sur Hugo Chavez. D'accord. Je trouvais ça très intéressant. C'est vrai? Ouais. Vous génial. Connaissiez pas Hugo Chavez? Si, si, je connaissais et j'ai beaucoup suivi vos travaux et ceux d'Alain Soral et de Youssef Indy et de tous les autres. Et je trouve ça, génial, je trouve ça formidable que vous fassiez ça, qu'il y ait pas mal d'invités. Mm-hmm. Et voilà, on est venu avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous ressentez de la haine ici? Ah non. En toute honnêteté. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de partage et c'est très convivial. Enfin, c'est génial. Moi, je suis ravie. Ça fait combien de temps que vous suivez Égalité et Réconciliation? Ça doit faire 2-3 ans à peu près. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à ER? Ce qui m'a amené à ER, c'est des personnes. C'est des personnes, mais j'étais déjà dans un point de vue similaire à celui-ci. Et effectivement, quand j'ai connu ER, j'ai trouvé une parole qui était proche de la mienne, enfin proche de mes pensées en tout cas. Et du coup, je suis ER avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce que j'aime énormément, c'est l'information qui nous est donnée, c'est ces personnes-là. Qui font un travail qui soit historique, géopolitique, économique, social, qui est extrêmement intéressant et malheureusement qui est boycotté par les médias mainstream, par la société en général. Ce qui en soi est logique puisque le message de R est... Bien évidemment, mais c'est complètement logique. Hein. Et du coup, je trouve des informations et des interlocuteurs extrêmement intéressants, extrêmement brillants aussi. Et vous avez beaucoup de courage, que ce soit vous et les autres. Du coup, comme j'ai l'occasion, bravo. Bravo pour votre combat. Bravo pour ce que vous faites. Je pense que votre travail est extrêmement important et qu'il est plus reconnu que ce que vous pensez. Et c'est un beau combat. Beau combat pacifique. Tout plein d'amour et plein de belles choses. Donc voilà. Une dernière question. Comment vous voyez ER dans les 10 prochaines années? Excellente question. Excellente question. ER dans les 10 prochaines années, je trouve que ER est déjà assez incontournable sur la toile. De plus en plus, les gens connaissent. Les gens connaissent et de plus en plus y adhèrent et comprennent le message réel. Parce que de toute façon, dans la vie quotidienne, on est confronté à des expériences, à des choses qui forcément... ont des résonances en nous et même si on ne veut pas voir certaines choses, les expériences, la difficulté de certaines choses nous poussent à effectivement arrêter de se voiler la face et du coup j'ai beaucoup d'espoir pour ER et dans les 10 prochaines années c'est compliqué parce qu'il va s'en passer des choses d'ici là. Ouais, et puis il y a une recrudescence des persécutions judiciaires notamment. Tout à fait. On ne sait pas dans quel sens ça peut aller. C'est ça. C'est pour ça que c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique aussi, je pense. Du coup, c'est très difficile à répondre à cette question, mais sinon, je pense que ER ne peut suivre que cette bonne évolution et rassembler de plus en plus de gens parce que le peuple est tout à fait dans cette démarche-là d'égalité et de réconciliation. On veut reprendre le pouvoir, on veut reprendre les choses en main, je trouve que la France est colonisée malheureusement aujourd'hui. Elle est colonisée pas de façon pas au niveau du peuple, mais au niveau de l'État profond. Tout commence par là, de toute façon, il faut prendre le problème à la racine, et le problème est là. Et les gens s'en rendent compte, dans toute la diversité, enfin, j'ai du mal à m'exprimer des fois, dans toute la diversité qu'est le peuple, quoi, que peu importe les origines ethniques, religieuses, etc., les gens se rendent compte, et effectivement, je suis française, d'origine algérienne, et je suis française, très fière de l'être. Et on nous a volé la France. Totalement, totalement. On nous a complètement volé la France. La France ne nous appartient plus, même à nous Français d'origine immigrée. Hein. Mais je me sens française, bien évidemment, plus qu'algérienne. Et je me sens plus chez moi, malheureusement. Je suis née ici, ça fait 26 ans que je suis en France. Enfin, je suis née ici. Je me sens plus chez moi. Je me sens plus chez moi, mais dans tout. Et ça, c'est dommage. Et vous faites ce travail-là pour qu'on reprenne le pouvoir, mais qu'on ait aussi un combat d'abord idéologique, qu'on comprenne les choses réellement et la source du problème. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver la source du problème. Parce que voilà, après, il y a plein de petites choses, il y a plein de symptômes, mais il faut trouver la maladie et la combattre. Bon, c'est une image, hein, mais voilà. Du coup, je vous souhaite beaucoup de belles choses et je continuerai à vous suivre et à lire vos livres. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je me permets. Éric Sancerre, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Qu'est-ce que tu fais ici, Éric? Dis-moi. Eh bien, je suis venu participer à cet événement à l'occasion du 10e anniversaire de Égalité et Réconciliation. Ouais, c'est un événement important pour toi? Comme je vais avoir l'occasion de le dire, c'est même unique. Hein, je veux dire, ça fait 10 ans que cette association a été créée par un homme seul qui s'est dressé debout contre tout un système et qui depuis est la cible de brimades permanentes. Donc c'est historique même, on va dire. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que représente Égalité et Réconciliation en France aujourd'hui, en 2017? Ben, j'aimerais bien le savoir avec un maximum de précision. Ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que beaucoup de gens et de plus en plus ont l'air de suivre le site et le mouvement. Et ce que j'en sais, c'est ce que disent les chiffres dont on dispose, à savoir 200 000 visites jour sur le site, plusieurs millions par mois, donc c'est assez énorme. En quelque sorte, ça pourrait être une sorte de variable d'ajustement des élections, des prochaines élections pratiquement. Enfin, je veux dire que le public qui suit Alain Soral n'est pas réduit. Je ne sais pas si c'est des millions ou des petits millions ou des gros millions, mais il y a beaucoup de monde qui le suit, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on sait que R a une influence malgré tout dans le débat public. Alors, puisque ER est attaqué. On est bien d'accord. Bah, s'il n'y avait pas de danger pour le système à laisser ER et Alain Soral s'exprimer, évidemment, il ne l'embêterait pas. Donc c'est bel et bien qu'il y a un effet. Et je pense que ça les inquiète beaucoup, pour ne pas dire qu'ils sont complètement en panique. Hein, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a une panique des oligarques et des élites qui ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Ils sont complètement déconnectés, ils n'arrivent pas à suivre ce que fait Alain. Surtout que nous sommes maintenant à moins d'un mois des présidentielles. L'importance de ER est d'autant plus prégnante. Oui, je parlais de variables d'ajustement des élections. Je pense qu'effectivement, il y a un électorat qui correspond à ER et qui peut basculer un petit peu d'un côté ou de l'autre. Enfin, disons, faire basculer les élections, c'est possible, je pense. Ouais. Surtout que ER est assez unique dans le paysage français. Oui, il y a ce binôme entre ER et Dieudonné qui lui aussi a son propre chemin et son parcours qui est complémentaire. Mais oui, on peut le dire, c'est unique. Bah, de toute façon, à Alain Soral, il n'y en a qu'un. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Enfin, c'est ce dont je vais essayer de parler. Mais... Et cette boîte d'édition Contre-Culture qui permet aux gens de se remettre à lire et lire des ouvrages qui sont par ailleurs interdits. Moi le premier, mon bon Vincent, parce que j'ai beaucoup lu dans ma vie, mais beaucoup de choses, on va dire, sans beaucoup de fond sur le plan politique ou philosophique ou autre, et des romans, on va dire, tu vois. J'ai lu beaucoup de séries noires dans ma vie, mais c'est vraiment formidable ce que peut le travail que réalise Contre-Culture, parce que c'est on va dire, un nombre de livres, enfin j'ai pu moi avoir accès à un nombre de livres incalculable dont j'aurais pas eu l'idée de me les procurer par ailleurs, quoi. Il y en a certains dont je savais même pas qu'ils existaient, tu vois, voilà. Aller lire Maurice Barrès ou Bainville, si on m'avait dit que je ferais ça il y a 10 ans, je l'aurais pas cru. Et ben non seulement je les lis, mais je me régale et j'apprends énormément de choses. Et ça me permet de remettre en perspective beaucoup d'informations éparses que je peux comprendre aujourd'hui d'une façon beaucoup plus performante qu'avant de connaître Contre-Culture et les ouvrages publiés par Alain. Voilà. D'accord. Et Eric Sanceri, où en est Solidaire ? Alors Solidaire avance. Là, récemment, j'ai contact avec 2 entrepreneurs, dont un était largement dans les tours, comme on dit, parce que c'est un gars des Nains Beaumont qui est en train d'avoir de gros problèmes. Il est sur des maisons à ossature bois, donc je crois qu'il a déjà réalisé une vidéo qui sera bientôt diffusée. Il y en a un autre qui est un garagiste dans le Périgord, si j'ai bien compris, qui va aussi faire un témoignage, donc ça avance. Et puis on essaie de trouver des systèmes d'entraide qui deviennent de plus en plus pointus et performants. Bon voilà, alors évidemment ça s'inscrit dans le temps long, on va pas tout faire en 6 mois, je l'ai déjà dit, mais on travaille, ça avance, il y a de plus en plus de gens qui me consultent à travers l'interface Solidaire, et j'ai bon espoir que ça donne vraiment un résultat intéressant. Hier, j'ai eu une conversation d'une heure et demie avec un jeune entrepreneur d'une trentaine d'années qui est dans le tourisme et qui a exactement le même problème que ceux que j'ai décrit pour moi-même, et c'était incroyable. On est resté presque une heure et demie au téléphone et on a pratiquement, c'est une réplique, hein, c'est une réplique de ce que j'ai vécu, voilà. Donc bah, lui, on va l'aider aussi, enfin voilà, il se passe des choses, oui, bien sûr. Est-ce que tu ressens qu'il y a un regain de courage chez les Français en ce moment ? J'aimerais pouvoir le dire, j'en suis pas sûr. Je crois que les élections à venir vont nous en dire plus sur le sujet. Ça va être déterminant. Je t'avoue que je crains que ça soit pas le cas. J'ai cette crainte. Je pense que les gens qui se rapprochent de R sont de plus en plus nombreux et motivés. Ça semble évident. À preuve, le succès d'une réunion comme aujourd'hui, au fin fond d'une province sudiste, enfin voilà, tu vois, c'est incroyable qu'on puisse avoir autant de monde et autant de succès comme ça. Donc, il y a du côté ER, effectivement, une poussée. Est-ce que c'est général ? Est-ce que ça concerne tous les électeurs français ou les citoyens français ? Là, j'ai un gros doute sur la question, malheureusement. Je pense qu'ils sont lobotomisés au-delà de ce qu'on peut imaginer. D'accord. Voilà. Donc toi, tu vas t'exprimer en conférence tout à l'heure ? Ben en fait, je veux dire à peu près ce genre de choses, tu sais. Bon, bah parfait, c'est un entraînement. Merci beaucoup, Eric Sanceri. Merci pour l'entraînement, Vincent. À tout à l'heure. À bientôt. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, tu es le chef de la section PACA. C'est exact. Tu es venu en soutien de Marco, chef de la section Perpignan. Oui, nous sommes tous solidaires, en effet. Tu es venu avec tes hommes ? Avec mes hommes, oui. Qui assure la sécurité d'Alain, notamment ? Entre autres, oui, ouais, tout à fait. Comment tu trouves que cet événement est organisé ? Écoutez, pour l'instant, très bien. Ça se gère gentiment. Combien de gens sont attendus à peu près ? Plus d'une centaine. D'accord, donc c'est une belle réussite. C'est une belle réussite, oui. Ouais. D'accord, et donc le tour va se dérouler dans toute la France ? Dans toute la France. Y compris à Marseille ? Pas à Marseille, pour la région PACA. Le tour, et c'est la prochaine étape, sera à Nice. Nice, donc le 22 avril. Nice, le 22 avril. Très bien, bah écoutez, tous les auditeurs sont invités. Bien sûr. À Nice, le 22 avril, la réservation se fait sur l'adresse ? L'adresse sera donnée sur le site er.fr. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Bonne journée, Vincent. Bonne journée à toi, je te laisse travailler. Merci, à bientôt. À bientôt. Comment allez-vous ? Ça va ? Bonjour. Bonjour. Je veux en profiter pour vous interviewer. Oui, il n'y a pas de souci. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? Bah, on vient de Nice. On vient ici pour s'instruire, bien sûr. À Nice, mais vous avez fait combien d'heures de route ? On est venu hier soir. On a fait jusqu'à Lille. On est allé jusqu'à Lille. Nice-Lille pour assister. Ouais. Conférence Soral. On est des fidèles, nous. Ah, on est partis jusqu'en Suisse aussi. La conférence n'a pas été lieu, n'a pas pu aboutir, malheureusement. Oui, elle s'est déroulée sur Internet, effectivement. Voilà, on a fait Nice-Suisse en voiture. D'accord. Jusqu'à Genève. Mais bon, on a été un peu déçus, mais bon, on a vu quand même la conférence sur... Sur Internet. Sur Internet. Ce qui nous amène au sujet des persécutions. Voilà, bien sûr. Qu'est-ce que De la LDJ, on y était sur la place. On a même les vidéos. Les vidéos d'eux ? De la LDJ à Genève. D'accord, oui, c'est les Antifa, non ? Voilà, les Antifa, comme vous dites. On s'est dit, tant qu'à faire, autant les voir. Ils étaient combien, pour curiosité ? Ils étaient une trentaine. D'accord. Trentaine cagoulés, mais une dizaine cagoulés. À cause d'eux ? Avec des banderoles. D'accord, ils ont fait en sorte d'annuler la conférence d'Alain Soral. Voilà, comme d'habitude. Et les gendarmes ont prétexté cette petite manifestation pour dire « trouble à la, voilà, trouver à l'ordre public, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, de toute façon, toujours la même escroquerie. Ça dérange la vérité. Et voilà quoi, moi je suis là parce que pour m'informer, pour me réinformer. Ça fait un an que je vous suis, vous aussi. Ah. Et je vous félicite aussi de tout ce que vous faites. Écoutez, merci de beaucoup. Tous les risques que vous prenez aussi. Mais c'est moi qui vous félicite d'avoir la conscience de venir ici. Je suis là pour aider aussi. Je suis adhérente aussi et fière de l'être. Okay. Je suis de confession musulmane. Ah, d'accord. Et j'aurais jamais pensé de ma vie entière voter FN. Et que là, j'incite tout mon entourage à le faire pour pouvoir avoir que mes enfants étudient dans une France libre et avoir une liberté que cette démocratie qui n'est vraiment pas démocratie, c'est vraiment de l'endoctrinement, de la c'est pas une démocratie, on est en dictature, excusez-moi, oui, c'est ça le mot. On est en dictature, une petite oligarchie, défend ses intérêts contre l'intérêt du peuple. Voilà, et c'est pour ça. Un état dans un état. Voilà. Oui, vous dites, monsieur ? On a l'impression d'être plutôt dans un état dans un état. Voilà, on n'a pas vraiment de contrôle quoi, sur nous-mêmes. On n'a plus le contrôle de rien, c'est sûr. On n'a plus de contrôle. D'accord. Qu'est-ce que représente ER pour vous ? Ça représente beaucoup parce que ça m'a réinformé, ça m'a fait voir vraiment la vérité des choses de cette France que je pensais qu'était vraiment une démocratie, mais qui n'en est vraiment pas une. On est en dictature, point. Et ça fait combien de temps que vous suivez ER ? Ça fait un an maintenant. D'accord. Je suis toute nouvelle, mais bon, ça m'a interpellée. Moi, ce qui m'a interpellée à la base, c'était Boko Haram, parce que je suis d'origine maghrébine. Et je ne comprenais pas ce qui se passait en Afrique et pourquoi on laissait cette personne faire autant de mal. Et après, petit à petit, je suis venue à Alain Soral, à Dieudonné d'abord, Dieudonné. Et de là, ça a été quoi ? Voilà, ça a été un parcours de Dieudonné. Et après, je suis venue à Alain Soral, quoi. Comment vous trouvez cet événement, madame ? Ben, je trouve cet événement une chance. Une chance de pouvoir assister à une réinformation et de pouvoir rencontrer des personnes, des combattants. Des gens qu'ils ont... Ce qui est dommage, c'est qu'on soit obligé de se cacher pour assister à ça, quoi. Voilà. C'est scandaleux, quoi. C'est malheureux. C'est n'importe quoi, en fait. C'est malheureux de se cacher. Normalement, ça devrait être ouvert, quoi. Ça devrait être ouvert à tout le monde. Voilà, on se dit soi-disant en République libre, mais on est loin du compte, hein, parce que tout de suite, on peut être agressé, ou même verbalement, c'est suffisant. Hein. Quelqu'un de fragile pourrait... Les risques qu'on prend de venir, mais on le fait quand même. Oui, et puis être mis au banc de la société, se faire virer de son boulot, etc. Bien parce sûr, qu'on a des accointances avec ER. Bien sûr, on risque, bien sûr. Mais vous-même, je m'en fous. Vous travaillez dans quoi, madame ? On est dans les matières premières. On est des chasseurs d'essence dans le monde entier, dans les parfumeries. Vous êtes salarié ? On n'est pas salarié, on a un autre compte. C'est pour ça que, voilà. Mais même, je m'en fous, de toute façon. Voilà, moi, la liberté d'expression, c'est important. Bon, et je soutiens ER... Voilà, je soutiens les gens qui ont vraiment, je vais pas dire un gros mot, mais bon, qui... Et on essaie de des gens, des combattants, des gens comme ça, quoi, c'est formidable. Eh bien, madame, merci beaucoup, profitez bien de cet événement. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Merci à vous, oui, à bientôt. Merci. Merci, monsieur. Merci, au plaisir. Youssef Indy, bonjour. Bonjour, Vincent. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Youssef ? J'ai été invité pour les 10 ans de R. À participer, à fêter les 10 ans de R. Donc je suis venu. Et je vais intervenir aussi. Enfin, vous allez intervenir dans une conférence ? Oui, avec vous aussi d'ailleurs. Oui, avec moi. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire. Ouais, moi aussi, ça va être improvisation totale. D'accord. Et dites-moi, alors, qu'est-ce que représente ER pour vous ? Alors, moi, en tant que chercheur et ami de ER, ça représente, de mon point de vue, c'est une organisation politique, même un think tank d'une certaine façon, et une organisation qui vient combler un vide politique, vide idéologique, dans un combat politique, mais qui est d'abord idéologique. Et ER me permet de diffuser plus largement mes travaux, voilà, de faire connaître mes travaux. D'accord, en tant que chercheur. Vos travaux qui portent, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas... Alors, sur le messianisme juif et ses influences sur les idéologies modernes, et donc l'influence des idéologies modernes dans la politique et la géopolitique. Et vers quoi vous vous orientez, là ? Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment ? Je viens de terminer un livre, enfin qui vient de sortir, sur la religion de la République, qui s'appelle La mystique de la laïcité. On vous a reçu alors la plus sombre. Voilà, on en a parlé. Donc c'est mon dernier livre, il est sorti le mois dernier, fin février. Voilà. D'accord. Et là je fais une pause avant d'attaquer mon prochain livre. Concernant les persécutions que subissent Alain Soral et Égalité et Réconciliation, qu'est-ce que vous, ça vous inspire? Est-ce que ça vous, vous qui êtes également dans le combat, d'une certaine façon, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce qu'au contraire, ça raffermit votre, votre volonté? Non, ça ne me fait pas peur parce que c'est, faut voir ça comme un grand combat dans un champ de bataille. Et les avant-postes, donc Alain Soral, Dieudonné, Égalité et Réconciliation, sont ceux qui prennent le plus de coups. Parce que c'est eux qui ont ouvert la voie, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une brèche, on va dire, politique et idéologique dans le champ politique français. Et ayant ouvert cette brèche, ayant ouvert la voie, il est donc logique qu'ils aient pris le plus de coups. Et en fait, ceux qui sont moins connus, qui sont derrière et qui sont arrivés après, comme nous, doivent on est les arrière-postes qui renforcent les avant-postes. La cavalerie qui arrive. C'est ça, c'est ça. Donc plus on sera nombreux et plus la victoire politique et idéologique sera facilitée, on va dire. Donc vous croyez en la victoire malgré tout? Oui, la victoire idéologique, mais ça ne veut pas dire que ça se passera dans la joie, la bonne humeur. Forcément, il y aura des pertes. D'ailleurs, comment vous voyez les 10 prochaines années là, pour ER, puisqu'on fête les 10 ans d'ER, et pour la France en général, et même peut-être pour le monde? Faisons un peu de prospective. Alors, pour la France, ce que je vois en tant que prospectiviste, là, pour le coup, c'est un effondrement politique, on le voit bien, je l'explique d'ailleurs dans mes écrits, un effondrement politique qui est la conséquence d'un effondrement religieux et idéologique. Et après cette phase-là, donc d'effondrement, on va nécessairement entrer dans une période de turbulence historique, c'est-à-dire de chaos ou d'anarchie. Alors, je ne suis pas un voyant, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, mais une organisation politique comme ER peut contribuer à façonner sur le plan politique la France, ou en tout cas y contribuer en influence sur les futurs. Oui, c'est ça, c'est un combat des idées. L'histoire est d'abord faite de mouvements historiques qui sont drainés, on va dire, par des idées et des idéologies. Et des idées qui s'incarnent dans des hommes. Bien sûr, en fait, les idées sont créées, produites par les hommes, elles mènent les hommes, et les hommes eux-mêmes mènent les mouvements historiques. Vous voyez, il y a une relation organique, symbiotique entre les hommes et les idées, bien sûr. Donc il faut analyser les idées, les idéologies, les critiquer, mais aussi attaquer les hommes qui portent ces idéologies. D'accord. Est-ce que vous voyez un changement chez les Français? Est-ce que vous voyez un regain de courage? Je dirais pas massivement, mais on voit un regain de courage chez une certaine catégorie de la population, ou avant même le courage. On peut parler d'éveil politique, mais l'histoire n'est pas faite par les masses, l'histoire est faite par les élites, élites politiques, intellectuelles, tout ce qu'on veut. Et les masses, en général, suivent les mouvements élitistes. L'histoire n'est pas faite par les masses. C'est un mensonge démocratique, ça. C'est le storytelling démocratique qui nous dit que les masses font l'histoire, mais elles ne font pas l'histoire. Elles suivent l'histoire. D'accord. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, Youssef Hamdi. Bonne conférence à vous. À tout à l'heure. Puis on se retrouve à tout à l'heure. Ouais, merci. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un sympathisant ER, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Pourquoi vous êtes venu? Je suis venu parce que je suis le mouvement Égalité et Réconciliation depuis maintenant 2 ans à peu près. 2 ans? Oui. D'accord, 2 ans, donc c'est l'époque de Dieudonné, ça, l'interdiction de son spectacle? C'est ça. C'est ça qui vous a fait... Plus ou moins, oui, puisqu'on en a parlé vachement dans les médias. Et puis donc, ça m'a poussé à découvrir le mouvement dans son ensemble. D'accord. Et alors là, qu'est-ce que vous avez découvert exactement, le poteau rose? La vérité, ce qu'on nous cachait plus ou moins dans les médias, disons. Ouais. Et puis... c'est une autre vision du monde qui m'a été donnée. Donc du coup, j'étais assez convaincu par l'ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, parce que les médias disent qu'ici, les gens sont remplis de haine, qu'ils sont des fachos qui veulent le mal. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement, ça, si vous... Non, pas du tout. Parce que moi, je n'ai jamais été fasciste non plus. Donc je pense qu'il y a des gens... qui sont dans mon cas, donc... Vous ressentez quoi exactement comme sentiment ici Ici, là, aujourd'hui? L'énergie. Moi, je sens une ambiance assez sympa. Enfin, je veux dire, les gens, je vois pas de différence avec les gens. Moi, je suis commerçant, je suis opticien lunetier. Vous êtes je suis au contact de la clientèle et c'est vrai que... Vous êtes salarié ou propriétaire? Je suis salarié, je suis employé. Ah, donc il va falloir faire attention, non? Non, ça va. Enfin, il faudra faire attention que ce soit... je suis filmé là en ce moment, en fait. Ouais, vous êtes filmé. Ouais. Donc oui, il faudra faire un peu attention quand même. D'accord, oui. Faites attention parce que ça pardonne pas. Hein. Ouais. Quand les patrons savent que l'un de leurs employés a des accointances avec Alain Soral ou Dieudonné, généralement, ils ont tendance à vouloir peut-être le licencier. Ça, j'ai bien vu, ouais. J'ai bien vu, mais bon, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et puis, vous êtes devant au charbon, il faut qu'il y en ait qui vous suivent. Donc à la limite, bon, ça me dérange pas. C'est très gentil à vous, en tout cas, ben, bonne journée. Profitez bien de l'événement. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Damien Viguier, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, moi je suis ici dans... sur les terres, disons, qui m'ont vu devenir docteur en droit. Puisque figurez-vous que je suis docteur en droit de l'université de Perpignan. Vous avez soutenu votre thèse ici? C'est ça. Je suis docteur de cette université, Perpignan. Donc je suis en quelque sorte à la maison. Alors le tour anniversaire ER, c'est quoi? Ah mais ça, c'est à vous de me le dire. Moi, j'ai été invité pour cette fête, mais je crois qu'il y a plusieurs villes qui vont faire comme ça des événements ER. Pour fêter moi, je ne suis pas du tout ER, hein, vous savez. Hein. Je suis pas du vous tout êtes ER. L'avocat d'Alain Soral. Par ailleurs, oui, et puis je publie heureusement des ouvrages chez Contre-Culture. D'accord. Voilà. Malgré tout, en fait, les 10 ans d'ER, qu'est-ce que ça représente, ça, pour vous? 10 ans d'ER, pour moi, ce que ça représente, bah, ça signifie que c'est une association qui existe et qui dure, hein, voilà, sur le temps. Entre autres grâce à vous, d'un point de vue juridique. Non, mais moi, j'ai parmi ma clientèle, j'ai effectivement ER. Ça m'arrive je ne suis pas le seul avocat en plus, hein. Ça m'arrive de défendre ER parce que je pense que la cause défendue par ER et toute son activité mérite d'être défendue, même si certains estiment que c'est une cause absolument injuste. Et beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs que ER puisse trouver des avocats. Ça, on peut le noter par contre. C'est vrai. C'est une surprise. Et bien des gens viennent me voir en me disant « Mais comment peux-tu défendre égalité-réconciliation, Alain Soral, etc. » Ça, c'est notable, c'est vrai. Et par rapport aux autres avocats que vous croisez, comment réagissent-ils quand ils savent que vous êtes l'avocat d'Alain Soral? Ben, comme je viens de vous le dire, soit ils comprennent pas, ça leur semble... ils sont dans un monde qui est... bipolaire, qui est... Il y a le bien et le mal. Il y a le bien et le mal. Et vous faites partie du mal. Eh bien, je me mets à défendre ce qui, pour eux, représente le mal. Et bon, alors moi, j'ai du mal, par contre, à me représenter comment ils imaginent la profession d'avocat. Ça me fait toujours penser à ce barreau, je crois que c'est Macron, le barreau entier qui a décidé solidairement de ne jamais défendre des gens accusés d'apologie de terrorisme. Moi, je pense que là, on sort de la civilisation, ouais. Carrément. Mais c'est très significatif. Oui, parce que en fait, on est les héritiers de siècles et de siècles de droit, d'une conception de la justice, d'une conception de la neutralité du juge, dont nous sommes, si nous n'y prêtons pas garde, nous sommes en train d'en sortir. Voilà. C'est triste, mais on est obligé de le dire. Donc là, vous allez vous exprimer dans une petite conférence courte. Bah, j'ai été invité à participer donc à cette fête et c'est avec plaisir que j'ai répondu positivement. Encore une fois, surtout à Perpignan. Hein. Voilà. Merci beaucoup Damien Viguier. Je vous en prie. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Entendu. Merci. C'est moi. Qui êtes-vous? Dites-moi. Donc je suis Riquet Cosmos, dessinateur de Perpignan. Qui a eu des démêlés avec la justice. Oui, voilà, oui. J'ai été traîné devant le tribunal correctionnel pour avoir commis 4 dessins antisionistes qui dénonçaient la LICRA, l'emprise de la LICRA, du CRIF et de ces associations communautaires qui ont de plus en plus d'emprise sur l'État français et puis sur les dissidents. En règle générale. Voilà, mais c'est très grave ça d'avoir fait des dessins antisionistes. Ah, vous comprenez pas qu'il fallait que vous soyez condamné? Ah si, là. Mais bon, je suis pas très Charlie déjà à la base, hein, mais bon, je reconnais que là j'ai pas été avec le dos de la cuillère en plus. Vous êtes défendu par Damien Viguier. C'est ça. D'accord. Et donc, dites-moi, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Je suis venu, en fait, pour célébrer les 10 ans de l'association ER. Et le premier tour de ce Grand Tour de France, la première étape de ce Grand Tour de France démarre par Perpignan. Et j'ai estimé que c'était de mon devoir de venir et vous soutenir. Oui, ça représente quoi, ER, pour vous ? Égalité et réconciliation, pour moi, ça représente tout ce qui m'a aidé à comprendre pas mal de choses grâce à Alain Soral, grâce à ses vidéos, grâce à ses analyses et puis grâce à toute l'équipe que j'ai rencontrée là ces derniers temps. Et vraiment, c'est un combat nécessaire, utile et vital. D'accord. Et comment vous voyez ce combat dans les 10 prochaines années, là, en fait, les 10 ans d'ER ? Mmh. Mais comment vous voyez l'évolution d'ER et même de la France dans les 10 prochaines années ? Ben écoutez, j'espère que dans 10 ans, nous referons un autre Tour de France pour les 10 ans d'ER. Les 20 ans. Ouais, pour les 20 ans, pardon. Et d'ici 20 ans, écoutez, je vois, il y a deux possibilités. Soit la France va rester enfermé dans ce carcan, mais ça m'étonnerait de gauche, droite qui s'alternent à chaque élection. Soit d'ici peu, il va y avoir un déclic national et populaire de la population française et qui va, je pense, mettre un grand coup de pied dans tous ces politiciens, dans toute cette fourmilière de népotisme, de politique politicienne. Et quand vous regardez autour de vous, vous arrivez à parler d'ER, vous sentez que les idées progressent ou pas ? Oui, oui, oui, quand même. Même en famille, je commence à essayer de faire passer quelques idées sur ER. Avant, on me disait ER, l'association d'Alain Soral, oh, mais c'est des antisémites et tout. Puis non, là, maintenant, ça y est, c'est... Je commence à, et autour de moi je vois que c'est la même chose, les gens commencent à sentir que c'est autre chose que ça. C'est avant tout déjà le site ER est visité par de plus en plus de personnes. Les gens viennent se réinformer là-dessus de plus en plus. C'est le site de référence en la matière quand même. D'accord, merci beaucoup. Vous allez aller faire signer un bouquin, c'est ça ? Oui. Je vais me faire dédicacer 3 ouvrages. Lesquels ? Alors, Mein Kampf, que mon avocat Maître Viguier m'a chaleureusement offert, Comprendre l'Empire, et l'affaire Pierre Berger, censeur dans les dialogues des accords. La retranscription du procès. Voilà, du procès dans les équipes d'égalité et réconciliation. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, bonne lecture à vous, bonne fin de journée à vous. Merci, vous aussi. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Philippe Gueb, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Super bien. Comment vous vivez cet événement ? Bah, très bien. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé votre travail déjà et l'ensemble du... Comme ça a été exposé, c'était assez simple et du coup perceptible pour... Parce que c'est ça le truc, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que les gens comprennent que derrière... On nous cache une tonne de choses et qu'en fait il y a quand même une réalité et on l'entend pas ailleurs cette réalité, on l'entend que là. Donc voilà, et j'ai trouvé que ça passait vachement bien, voilà. Par rapport au public et puis même dans la... Enfin moi j'étais dans la salle, je vous écoutais, il y avait vraiment une bonne... Il y avait une vraie écoute quoi. Ok, ouais. Et par rapport à ER, qu'est-ce que ça représente ? Comment ça ? Qu'est-ce que représente ER dans votre vie et... Ben, parce que enfin, ouais, je fais l'historique là. Oui. Non, en fait, j'ai été, comme je l'ai dit à l'émission, j'ai été baigné dans le système pas mal de temps. Il y a un moment où ça connectait plus dans ma tête. J'ai dit non, ça va pas. Enfin, truc qu'il faut que j'aille chercher ailleurs. Oui. Donc je suis passé. Enfin, Dieudo m'a mis la puce à l'oreille. Et après coup, je suis arrivé effectivement à chez ER. Mais ce qui a été difficile, c'est ce que je disais avec Youssef tout à l'heure, c'est qu'en fait, une fois qu'on a capté l'arnaque, je veux dire, ça devient impossible de faire marche arrière. Et après, ce qui est difficile, c'est que, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que je vois encore, j'ai reçu un SMS, les gens ont du mal à capter vraiment le truc, quoi. C'est, voilà, il y a un travail de... Il disait quoi sur SMS ? Il disait qu'en gros, Faire un album chez des fachos, c'est pas bien. Voilà. Et du coup, ça me fait de la peine, parce qu'en fait, c'est des gens que, très proches qui captent pas encore, ils se disent pas, putain, mais s'il fait un album et qu'il les démarche, il y a peut-être un sens, il est pas taré, le mec, tu vois. Et du coup, j'ai du mal, mais bon, je pense qu'avec le temps, ils comprendront, quoi. Et puis surtout, ouais. Toi, tu viens de ce milieu-là, donc t'as un entourage, tu as gardé des amitiés. Ouais, puis, mais moi, je suis complètement ouvert, en plus, au discours, ils le savent, je suis prêt à discuter avec plein de gens. Et pour moi, c'est vachement important que les gens fassent un effort. Enfin, putain, il n'y a pas de néo-nazis, toutes ces conneries à la con. Comme disait Alain, les néo-nazis, tu dois en trouver 3 en France, ivrognes dans les bars. Enfin, voilà. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, après, il faut être. Voilà, les mecs, on a peut-être un avenir à jouer, et c'est maintenant qu'ils se jouent. Quoi, voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et comment tu vois justement cet avenir par rapport à ER, par rapport à la France, toi, est-ce que tu es plutôt optimiste, pessimiste en tant qu'artiste ? Alors, je suis optimiste et pessimiste. Je suis optimiste parce qu'un peu comme Pierre Hillard, je pense qu'il y aura un renouveau. Ouais. C'est inévitable, autrement on crève tous, quoi. Et je suis quand même pessimiste parce que justement, c'est très difficile aux gens du quotidien, mais qu'on croise dans les rues, tout ça. Ils sont tellement abreuvés depuis 50 ans par le même discours, et puis c'est de pire en pire. Mais même, ils ne perçoivent pas ça. Ils ne perçoivent pas la vraie réalité derrière tout ce monde. Voilà. Et donc, je suis un petit peu pessimiste. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, dans 3 semaines, on va quand même avoir un premier avis. On va voir ce que pensent vraiment les gens, quoi, dans ce pays. Et, c'est pour ça que les élections, ouais, sont importantes. Là. L'enjeu est important. Philippe Guep, merci beaucoup. Merci, Vincent. Et puis, à bientôt. À tout bientôt. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, comment vous appelez ? Thomas. Qu'est-ce que vous faites là, Thomas ? Je suis venu à la rencontre d'Alain Soral et des conférenciers, ouais. Et de vous également, que je suis votre travail, et voilà. Et alors, comment vous sentez l'ambiance ici ? C'est chaleureux, convivial, c'est accessible, tout le monde, les gens sont abordables, ouais, c'est très bien. Pas de nazis, pas de fachos, pas de gens intolérants ? D'accord. Pas autour de moi. Alors dites-moi, comment vous êtes venu à ER ? Eh bien, j'ai commencé avec Dieudonné. L'histoire de Dieudonné, je commence à m'intéresser. Au moment de son interdiction, c'est ça ? C'est ça qui a fait vraiment pencher la balance. Et ensuite, j'ai vu qu'il était un peu associé à Alain Soral. Je me suis intéressé à lui, à votre site. Et depuis, quand on y goûte, quoi, on lâche pas. Quoi. Vous regardez plus la télé ? Ah ben non. Je regarde pour rigoler, parce qu'il y a des sketchs, quoi. Mais sinon, non. Ça, c'est pas là-dessus que je m'informe ou quoi, quoi. Donc maintenant, ça représente quoi pour vous, concrètement ? Ah, c'est une source d'inspiration. Grâce à ça, je suis mieux informé. Puis si je peux soutenir à mon petit niveau, quoi, j'essaie de soutenir ces personnes. Quoi. Ouais. Et comment vous voyez l'évolution de ER ? Comment vous souhaiteriez voir ER dans 10 ans ? Je souhaite qu'ils aient plus d'impact sur la France, que les gens ils arrivent à que les gens qui touchent plus de gens, quoi. Une bonne partie de la population. Et je pense que ça réglerait certains problèmes dans la France, quoi. Les gens sont désinformés, ils sont en gros côté de la plaque. Et j'espère que ER arrivera à... Et vous, au quotidien, vous arrivez à parler de tous ces sujets ou vous êtes... Pas avec tout le monde. Ouais. Pas avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens, on commence à parler, et ils sont pas du tout... ils sont contre nous dès qu'on commence à parler un peu. Dans votre famille y compris ? Non, ma famille, ça va, ils sont ouverts. Ils suivent pas comme moi, mais ils sont ouverts, je peux parler avec eux. Par contre, c'est en dehors... les amis au travail, ils sont pas très ouverts les gens. D'accord. Voire même peut-être intolérants, c'est-à-dire qu'ils vous rejettent. Oui, voilà, exactement. Si on va un peu trop loin ou certains sujets, on n'a pas le droit d'en parler, sinon on est rejeté. Si on dit notre opinion, c'est ce que vous expliquez dans la conférence. Et j'espère que ça changera. On pourra enfin discuter librement tous ensemble. Et le travail de ER, ils font un bon travail par rapport à ça. Quoi. Écoutez, merci beaucoup. Et merci à vous pour votre travail. Profitez bien de cet événement c'est et puis, bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Il faut faire des interviews. Bonjour. Je vois que vous tenez 2 bonnes bières à la main. Oui. Ça a l'air de bien se passer alors cette journée. Très bien. Ouais. Ce tour anniversaire. Super, ouais. On est arrivé un petit peu en retard, nous, mais on n'a pas pu voir toute la conférence en entier, malheureusement. On vient de loin. Vous venez d'où ? Par contre, moi, je suis de Montélimar. D'accord. Et mon frère, encore plus loin. Lui. Moi, j'étais sur Aix-en-Provence et voilà. On s'est retrouvé à Aix-en-Provence et on a pris la route, mais c'était plus long que prévu. Est-ce que vous avez vu, vous a plu ? Ouais, super, ouais. Je suis content de l'avoir pu voir Alain Soral en direct. D'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, ER et Alain Soral ? Alors là, c'est une question difficile quand même. Hein. franchement. Moi, honnêtement, ça m'informe, voilà, ça me fait réfléchir un peu différemment. Je trouve ça super intéressant. Après, honnêtement, moi, je suis encore à la limite, je suis pas adhérent encore, j'y pense, et voilà. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être adhérent à Égalité et Réconciliation ? Disons que c'est compliqué, des fois, Égalité et Réconciliation, les gens autour de nous comprennent pas toujours, en fait. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes adhérent. Non, mais voilà, je veux dire, c'est sympa de se retrouver ici, entre nous, parce que voilà, on peut discuter avec des gens, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, dans la vraie vie, c'est pas toujours évident. D'accord, vous avez déjà rencontré l'hostilité de vos proches? Ah oui. Pas forcément sur ER, mais sur des sujets qui sont abordés. Voilà. Comme par exemple, quels sont les sujets les plus sensibles? Fort sensibles. Évidemment, le sujet juif, ça, c'est évident. Et que de tout, Dieu donné, la Russie, l'immigration. Tout le monde a les images que TF1 met dans la tête. Et c'est compliqué d'aller contre, en fait, dans la discussion. Après, moi, j'ai pas toujours les armes non plus pour expliquer aux gens vraiment. J'ai pas les mêmes armes qu'Alain Soral, je suis pas quelqu'un qui parle super bien, donc voilà, c'est pas toujours facile, quoi. Donc la clé, c'est vraiment justement ça, d'arriver à reconquérir la parole et les mots. Ouais, non, mais le concept. Ça, c'est clair, ouais. Ouais. D'accord. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est la lecture. Ouais, exactement, j'en ai profité pour acheter 2-3 livres. D'accord. Voilà, histoire de me mettre un petit peu à jour les connaissances, parce que c'est des sujets compliqués quand même. Hein. Vous avez acheté quoi comme livre ? Moi, Comprendre l'Empire, parce que je l'avais encore pas lu. D'accord. Ouais, j'en avais lu d'autres, mais c'est vrai que je l'avais pas encore lu celui-là. Et du coup, ça, j'avais envie de le lire. Là. Vous l'avez fait dédicacer ? Ouais. Évidemment, ouais. Donc voilà, ça va être un bon souvenir, et donc, voilà. Ok, écoutez, merci à vous, et puis passez une bonne journée. J'espère que cet événement vous plaira. Je suis aussi un petit peu ce que tu fais, et franchement, c'est super. Hein. Merci, c'est super. Je vais essayer de continuer. Ouais, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage, en tout cas. Merci. Salut. Alors, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Mathieu, je viens de Toulouse. D'accord, donc t'as fait du trajet pour venir ? Exactement, à peu près 2 ou 3 heures de voiture pour venir, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ? Ce qui me motive toujours, c'est de rencontrer le reste des adhérents, histoire de pas se contenter de militer tout seul derrière son écran sur Internet, et de vraiment se rendre compte de la réalité du terrain, si on peut dire quoi. Et puis évidemment, pouvoir rencontrer toi et puis tous les autres auteurs contre-culture, dont Alain Soral. Quoi. Alors on voit qu'il y a du monde. Quelle ambiance tu ressens ici ? C'est très chaleureux. C'est difficile à décrire, en fait. Il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance du fait de... pouvoir se rencontrer, de discuter, d'échanger, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Finalement, ça fait du bien à tout le monde. J'invite les gens qui sont plutôt sympathisants, enfin même plus ou moins, quoi, plus ou moins sympathisants à venir, se rendre compte par eux-mêmes qu'on n'est pas l'espèce de repère de facho qu'on aime bien décrire, voilà, de nous. D'accord. Et est-ce que tu as peur ? Est-ce que par rapport à l'égard de ta famille, de ton travail, tu assumes tes positions ou pas ? Y a évidemment une sorte d'inquiétude quand on voit ce qu'il y a en face, quoi. Quand on voit tout ce que subit Alain Soral qui se prend sur la gueule, évidemment, il y a une forme d'inquiétude, mais d'un autre côté, je pense que il y aurait certaines personnes mal intentionnées qui voudraient qu'on ait peur. Donc il faut se refuser à avoir peur, je pense. Et c'est pour ça que je te réponds, que je monte ma gueule et que je suis là, quoi. Parce qu'il faut se refuser à avoir peur, quoi. Et puis pas surtout ne pas avoir peur d'avoir certaines opinions. D'autant qu'il me semble que les idées d'égalité et réconciliation sont les plus saines qui soient. Comment tu résumerais la ligne d'égalité et réconciliation ? Égalité et réconciliation, le titre parle de lui-même, en fait. C'est gauche du travail, droite des valeurs, pour court-circuiter le clivage gauche-droite qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. C'est aussi effectivement réconciliation entre les Français dits de souche et les Français d'origine extérieure, immigrés, qui se retrouveraient, qui se réconcilient en fait sur une base, la base du patriotisme et de l'amour de la France. Chers auditeurs, je me trouve ici avec Alain Soral, le président d'Égalité et Réconciliation. Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, président ? Bien, bien. Une excellente journée. Comment vous avez vécu cet événement, ces 10 ans d'ER, qui commence ici à Perpignan? Comme une bonne surprise, il y avait du monde, des gens intéressants, attentifs. Ça fait plaisir. On n'a pas fait ça 10 ans pour rien. Puis ils ont été réceptifs au centre contre-culture, notamment, c'est un peu le nerf de la guerre. Ah oui, je crois, ouais, parce que j'ai dédicacé à tout va. Donc ouais, on a vu qu'il y avait une longue queue hein, pour les dédicaces. Ouais, ouais, non, des gens de plus en plus adultes, de plus en plus formés politiquement. Ouais, les questions sont de plus en plus pertinentes, on a l'impression. Ouais, ouais, bah les gens suivent le site et se forment. Et à force de se former, ils sont formés. D'accord, et ces 10 ans, c'est également 10 ans de persécution. Où vous en êtes aujourd'hui? Comment vous vivez les multiples procès que vous avez en ce moment? Eh ben, j'en suis à peu près 250 000 euros de condamnation, que je ne peux pas payer, bien évidemment. Près de 2 ans de prison avec sursis, 3 mois de prison ferme. Donc, j'attends un peu l'élection de Marine comme on attend la cavalerie. Ok, ben écoutez, on va suivre tout ça. En tout cas, on se retrouve pour le Soral vite, chaque semaine. Et on rappelle à nos auditeurs que le Soral Répond est en ligne actuellement pour 2,99€. Tout à fait. Alain Soral, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Chers auditeurs, je me trouve ici avec Adolphe, le fameux dessinateur des dessins de la semaine. Adolphe, bonjour. Bonjour. On s'était déjà croisé pour l'émission Voyage en Ariège. Les auditeurs s'en souviennent peut-être. Une très belle émission. Ouais, je sais pas. J'espère pour eux. Mais... Bah alors Adolphe, qu'est-ce que tu fais là? T'es dans tous les mauvais coups, toi. Bah, j'ai vu la lumière. Vous pouvez pas voir parce que tu... Non, je ne peux pas voir. Chers auditeurs, nous avons été interrompus par une charmante jeune femme. Qui a-t-il? De la bière. On va en prendre la bière. Allez, c'est parti. Lui, il ne peut pas. Je ne peux pas. Non, parce qu'il prend pas. Parce qu'elle n'est pas cachère. Voilà, lui, il prend que la bière cachère. Voilà. Et à crédit. Chers auditeurs, je suis en train de me faire servir un verre de bière qui va faire décroître mes compétences en journalisme. Alors, Adolphe, donc cet événement, oui, tu disais, t'as vu de la lumière? J'ai vu de la lumière et je suis rentré, voilà, c'est tout. Tout simplement. D'accord. Et puis voilà, ça permet de voir du monde. Je sens beaucoup d'ondes négatives, beaucoup de haine et j'aime bien ça. C'est ça que tu aimes, ouais. Voilà, c'est ça qui... Alors, précisons à nos auditeurs que tu es vraiment un très ancien DER, l'un des premiers adhérents d'Égalité et Réconciliation. Tu as participé... La première année, on va dire. Ouais. Oui, tu as participé à la construction du site internet. Ouais. Tu es un dessinateur de la semaine très connu. Alors comment tu vois, comment tu vis les 10 ans de R, toi? Parce que tu as vraiment vécu toute la période. Ben, déjà, oui, ça fait une très très belle évolution. Parce qu'on est parti, il n'y avait pas grand monde et ça a été très difficile de faire quoi que ce soit. Et puis on s'est bien structuré là en 10 ans. C'est allé même assez vite. Et puis ça permet de rencontrer des gens intelligents qui viennent un peu de tous les horizons. Et tu parlais d'évolution, comment a évolué ER depuis 10 ans? Mais on s'est structuré, je dirais que c'est surtout ça, parce que le nerf de la guerre c'était l'argent. Il fallait se structurer. Au début, on ne savait vraiment pas quoi faire. Rien que pour faire des affiches, un affichage, n'importe quoi, ça coûtait de l'argent et c'était galère, quoi. Et maintenant, grâce aux structures qui ont été montées, où on arrive à s'autofinancer. On arrive à s'autofinancer et à faire... Ça, c'est un peu gênant. Ouais, on l'a refait là-bas. Chers auditeurs, il y a trop de bruit là où je me trouve. Je me déplace vers l'extérieur pour pouvoir parler avec plus de quiétude. Comment vois-tu l'évolution d'Égalité et Réconciliation? Comment as-tu vécu ces 10 années? Alors, c'est très positif. Aujourd'hui, on peut être assez fier du travail qui a été accompli en 10 ans, parce que 10 ans, c'est à la fois... C'est à la fois beaucoup et pour un mouvement politique, c'est très peu. Et je trouve qu'en 10 ans, on a fait vraiment du très bon boulot. On a un site qui cartonne du tonnerre, qui est le numéro 1, un site, on va dire, qui traite d'actualité et de politique. Et puis surtout, on s'est structuré, ce qui était important, parce qu'au début, on galérait beaucoup au niveau financier. Un simple affichage, il fallait compter presque à l'affiche près combien ça allait nous coûter, quoi. Et donc grâce à ces structures, grâce à Contre-Culture notamment, etc., on a pu structurer tout ça et s'autofinancer. Et ben voilà, je pense qu'on montre un petit peu la voie, même si on est jalousé, très jalousé même. Je pense qu'on est dans le vrai et qu'on va dans le bon sens. Alors l'histoire de R, c'est aussi l'histoire de trahisons nombreuses et variées, ouais. J'ai envie de dire. Comment toi, est-ce que tu as senti que ces trahisons ont affaibli ER ou pas? Affaibli... Non, ça n'a pas affaibli le mouvement, puisque ça marche toujours autant et il y a toujours beaucoup d'adhésion, il y a du monde de conférences, rien qu'aujourd'hui la salle est pleine, le site marche toujours autant. Je dirais que c'est décevant sur le plan humain parce que on rencontre des gens, on pense que qu'ils viennent pour dans la même optique que nous quoi. Et puis finalement on est très très déçus humainement par des gens. Tu penses notamment à Salim Laibi que tu connais puisque tu es de Marseille. Oui, que je considérais comme un ami et voilà, j'ai été très très déçu par le personnage. Donc je dirais que c'est plus de la déception sur le plan humain, voilà, que sur le... Qu'une perte finalement d'auditeurs. Oui, voilà, sur le mouvement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que c'est décevant quand on s'est investi, des fois même pour des gens, et que ça se passe comme ça, quoi. Parce qu'on ne s'y attend pas, et puis voilà. Et toi, comment tu vois l'évolution de R, maintenant faisons un peu de prospective, le futur de R, comment tu le vois? C'est compliqué, ça dépendra, je pense, des élections. Les prochaines élections qui arrivent là, et si on doit se taper du Macron et compagnie, j'ai peur que ça devienne très difficile pour nous et qu'on ait du mal à exister. Ça pourrait aussi créer les conditions de, je sais pas, une révolte ou la révolte des nations, qu'appelle de ses voeux Alain Soral. J'aimerais bien, mais quand on étudie un petit peu les révolutions, en fait, c'est des minorités qui se battent entre elles pour le pouvoir. Or, aujourd'hui, on voit que la minorité, on va dire, nationaliste, n'est pas très, on va dire, solidaire. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui sont là, on se demande pourquoi d'ailleurs. Je parle Conversano et compagnie encore, je ne devrais même pas en parler tellement c'est de la merde quoi. Donc oui. L'avenir, je pense que ça va dépendre vraiment des prochaines élections. D'accord. Adolphe, merci beaucoup, j'espère qu'on te retrouvera dans une prochaine émission. Merci à toi pour ton travail et ton courage. Merci Adolphe, merci. À tous les auditeurs. Et merci à tous les auditeurs qui nous soutiennent quand même. Voilà. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission spéciale Tour Anniversaire ER, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Le Tour Anniversaire, quant à lui, se poursuit, les prochaines dates seront le 22 avril à Nice, le 20 mai à Lille, le 3 juin à Lyon, le 10 juin au Havre, le 24 juin à Nantes, le 16 septembre à Strasbourg, et enfin Paris, en octobre 2017. Les renseignements sur cette tournée sont mis à jour sur le site égalité-réconciliation.fr, n'hésitez pas à le consulter pour réserver vos places. Chers auditeurs, je vous informe également que deux événements auront lieu ce samedi 8 avril, l'un à Lille, l'autre à Nantes. À Lille sera projeté le film Hugo Chavez, itinéraire d'un révolutionnaire, suivi d'un débat avec le réalisateur du film, c'est-à-dire moi-même. La réservation se fait à l'adresse réservation.erlille@outlook.fr. À Nantes, c'est Pierre Debrague et Dimitri Corias qui donneront une conférence intitulée « Médias, mensonges et propagande ». La réservation se fait à l'adresse conférence.nantes@outlook.fr. La section Nantes d'égalité et réconciliation vous attend nombreux. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guepp. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site www.contreculture.com. Nous allons écouter Les Américains. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Américains. aux nuées d'avions dans le ciel, les bateaux dans la mer. Surprise partie en Normandie, cramer la maison du Saxon, Hiroshima, Nagasaki. Qui vient? Les Américains. Qui vient? Les Américains. Volute de napalm à Saigon, vapeur de chaos au Laos, pour le Chili des crucifix, aïe aïe Somalie, Bosnie-Herzégovine, J.I.R.M. en Afghanistan, à l'attaque en Irak, à la semaine en Ukraine. Toujours nous faire et nous refaire la même. Qui vient? Les Américains. Qui vient? Les Américains. Les Américains. Ah, les Américains. Powerful manifestation of America's commitment to human freedom. This was Democracy's Beachhead. This was Democracy's Beachhead. And our victory in that war decided not just a century, but shaped the security and well-being of all posterity. This was Democracy's Beachhead. After wave of young men boarding those boats to liberate people they had never met.